ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie, le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Fan de chansons françaises et tous les autres, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves à la technique, Daniel en votre compagnie pour cette 16e émission de La Cerise sur le canto. Donc chansons d'hier, d'avant-hier ou tube de demain, pourquoi pas. C'est un véritable panorama dédié à la chanson française de tous les temps. La chanson française, dites-moi, serait-elle réduite à une question de génération ? Bah, c'est ce que l'on entend parfois, souvent même. Eh bien, nous prenons le pari de vous démontrer le contraire. Enfin, un jury neutre qui classe les chansons programmées et qui élit les trois gagnantes de l'émission. Sans plus tarder, les résultats de la cerise sur le canto numéro 15, c'était il y a 15 jours. En troisième position, Lara Fabian, Papillon. Quelqu'un m'entendra-t-il si je ne dis plus un mot? Quelqu'un me verra-t-il si je disparaissais? Je sais, j'aurais pu être un papillon. J'aurais vécu une unique journée. M'attendra-t-il pour que ma chrysalide se libère de ses fils et se lance dans le vide? Je sais, j'aurais pu être un papillon. Thank you.

j'aperçus dans l'ombre de grands yeux qui brillaient. Une voix de rogobe me cria nom d'un chien. Je vous y prends, jeune homme, que faites-vous? Moi, rien. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à Montmartre. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à Montmartre le soir. La lune était obscure transborda dans une préfecture où l'on me demanda: êtes-vous journaliste, peintre, sculpteur, rentier, poète ou pianiste? Quel est votre métier? Je cherche fortune. Une ambiance feu de camp, le matin, pourquoi pas, après tout. Vous aussi, vous pouvez jouer au tiercé des chansons en vous rendant sur la page Facebook de l'émission La Cerise sur le Canto. Alors vous établissez votre pronostic, vous avez trois possibilités de réponse. Et si vous êtes la première ou le premier à donner la bonne réponse, ordre ou désordre, bah vous emportez un cadeau signé Dario, à vous de jouer. Place à la sélection du jour. Actrice de théâtre et de cinéma, peintre, animatrice télé, amie des animaux, Colette Doréal chante aussi. Et elle chante si bien qu'en 1962, elle se voit attribuer le grand prix du disque de l'Académie Charles Cros avec la chanson « On se reverra ». Ben, ce n'est pas le titre choisi aujourd'hui, mais on se reverra, Colette, à la gare Saint-Lazare, Colette Doréal. À la gare Saint-Lazare, à l'horloge pendue, j'ai compté quatre quarts. Tant de pas perdus à la gare Saint-Lazare, j'ai lu et j'ai relu tous les journaux du soir, mais tu n'es pas venu. J'interrogeais les visages des gens, j'avais le cœur battant, la tête qui tournait, j'ai cru te voir sans foi à travers la cohue, mais ce n'était pas toi, c'était des inconnus, et partout je t'ai guetté, j'ai couru les guichets, renversé les paquets, heurté les contrôleurs, bousculé les porteurs, pendant que sur lesquels les foules s'embarquaient, à la gare Saint-Lazare, à l'horloge pendue. Il est beaucoup trop tard et tu n'es pas venu. J'ai pris un verre au bar, j'ai beaucoup, beaucoup bu, en rêvant de départ vers des cieux inconnus. Je suis partie dans un grand wagon-lit, dermante la jolie, nanterre la folie, courant vers les lumières de Bécon, les bruyères, Château, le Vésinet, vers Saint-Germain-en-Laye, moi je roulais. New Haven, Chicago, Saint-Valéry, Encore, New York, San Francisco, c'est idiot, mais tant pis d'avoir raté le train, raté le dernier train pour la Californie. À la gare Saint-Lazare, à l'horloge pendue, il est beaucoup trop tard et tu ne viendras plus. Tout le monde est parti, il n'y a plus que moi. Je m'en fous car je suis ronde comme un petit pois. Je me donne un grand bal, ça ne l'est pas perdu, sous l'horloge infernale, et je ne t'en veux plus, à travers le brouillard qui tourne autour de moi, à la gare Saint-Lazare, moi je danse avec toi. La chanteuse Léana Silda était de passage en fin d'année à Lay-Saint-Christophe. Invitée par le directeur adjoint du périscolaire, elle a illuminé de sa jolie voix l'école Charlemagne, puis ensuite, elle est allée chanter à la cantine scolaire. Ah oui, c'est une chanson qu'il fallait trouver, ça. Un joli cadeau de Noël, écrivait le quotidien des Nancéens, entre nos mains, Léana Silda. Quand on se chauffe avec de l'or, que ça brille entre nos mains, on court après les trésors parce qu'on est satisfait de rien. Quand on mange toujours à sa faim, qu'on a tout pour subsister, l'herbe est mieux chez le voisin, les fleurs plus belles à regarder. On passe notre vie à se demander pourquoi, à regarder toutes les choses qu'on n'a pas. On passe notre vie à se plaindre pour un rien, pourtant la chance est bien entre nos mains. Pourtant la chance est bien entre nos mains. Pourtant la chance est bien entre nos mains. Quand on a tout autour de nous et qu'on voit tout ce qu'on n'a pas, on se rend un peu plus fou pour la maison que l'on n'a pas. Quand on a tout pour être heureux, qu'on s'éternise à pleurer, on se rend bien plus malheureux à voir nos larmes s'envoler. On passe notre vie à se demander pourquoi, à regarder toutes les choses qu'on n'a pas. On passe notre vie à se plaindre pour un rien, pourtant la chance est bien entre nos mains. Pourtant la chance est bien entre nos mains. Pourtant la chance est bien entre nos mains. On passe notre vie à se demander pourquoi, sans jamais se contenter de ce qu'on a près de soi. Et pour un rien, on se plaint en regardant ce qui se trouve dans la main du voisin. Plus loin, on passe notre vie à se demander pourquoi, en comptant, jamais content de notre acas. Et toi tu passes ta vie à te plaindre pour un rien, en jurant, en disant que rien n'est jamais trop bien. On passe notre vie à se demander pourquoi, à regarder toutes les choses qu'on n'a pas. On passe notre vie à se plaindre pour un rien, pourtant la chance est bien entre nos mains. Pourtant la chance est bien entre nos mains. Pourtant la chance est bien entre nos mains. Et maintenant, une danse d'origine cubaine ou afro-cubaine, ou tout simplement argentine, de rythme binaire et syncopé. Je crois qu'on appelle ça un boléro habanera. C'est ce qui caractérise ce doux boléro que Valérie Lambert a repris sur son unique album. Apparemment, cet artiste n'a enregistré qu'un seul album, et ben, on ne peut pas dire qu'elle soit particulièrement connue. Et pourtant, écoutez, une si belle voix. Il est dans mon village un cœur fragile et doux, un cœur dont le visage rendrait un ange jaloux. J'avais sa préférence, mais pourquoi suis-je parti? Depuis, lorsque j'y pense, j'ai des regrets infinis. Serena d'Argentine, Valérie Lambert. Un cœur fragile et doux.

J'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas pu trouver de clients. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. Je pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend sangloter et dans la nuit, quand le vent jette au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé par la pluie. Et j'en peux plus, j'attends qu'en fait que le bon Dieu vienne pour m'inviter à me réchauffer tout près de lui. Dans ma rue, il y a des anges qui m'emmènent pour toujours. Mon cauchemar est fini. Et maintenant, une chanson de Serge Lama, dédié à son ami Nicolas Perrac. Nicolas et moi, Serge Lama. Nous étions Nicolas et moi, assis au pied des caravanes, pour faire prendre l'air à notre âme, en attendant d'aller chanter là-bas sur les tréteaux dressés pour ça. Les Romains Michel étaient là, tout autour avec leurs gitanes. Ils avaient aussi des caravanes. Ils faisaient un grand cercle autour de nous. Ils avaient des enfants partout. Nicolas, Nicolas, pourquoi n'avons-nous pas chanté pour eux, Nicolas? Nicolas, ça les aurait rendus heureux. Tout à coup j'entends une voix qui s'écrie: planquez vos affaires, ils ont des gueules patibulaires, ils ne me disent rien de bon, ces gens, laissez pas traîner votre argent. Et pas plus Nicolas que moi n'a osé relever la phrase, perdus tous deux dans cette extase qui précède l'heure où l'on va chanter, qui fait croire qu'on est fatigué. Nicolas, Nicolas, pourquoi n'avons-nous pas chanté pour eux, Nicolas, Nicolas, aujourd'hui je m'en veux un peu. Nous étions Nicolas et moi, assis au pied des caravanes, en train de fumer nos gitanes, sans souci pour ces va-du-pieds autour, avec leurs yeux luisants d'amour. Nicolas, Nicolas, pourquoi n'avons-nous pas chanté pour eux, Nicolas, Nicolas, ils avaient de si pauvres yeux. Nicolas, Nicolas, pourquoi n'avons-nous pas chanté pour eux, Nicolas, Nicolas, des gitans comme eux. Pour suivre, un duo plein d'entrain qui fait du bien. Et non, Anne et Jacinthe ne sont pas sœurs, mais enfin, elles se connaissent depuis assez longtemps quand même. Leur voix et leur composition sont empreintes d'une grande sensibilité. On ira même jusqu'à dire d'une grande douceur. Bravo et merci les frangines, et continuez à nous emmener dans vos belles balades joyeuses et poétiques. Mon bagage, les frangines. Chemin, l'hiver percera mes chagrins. Save the Last Dance for Me est une chanson composée par Doc Pomus et Mort Schumann en 1960. Chanson reprise et enregistrée par de nombreux artistes, dont Jerry Lee Lewis, Tina Turner, les Beatles, Bruce Willis, Leonard Cohen. Et c'est en 1961 que Dalida et Petula Clark enregistrent la version française Garde-moi la dernière danse. Et puis en 1976, Mort Schumann reprend la version française et Eddie Mitchell le met à son répertoire. En 2011, nous vous proposons aujourd'hui, et parce que nous savons que vous adorez ce chanteur, l'interprétation de Franck Michael. Garde bien la dernière danse pour moi, Franck Michael. Toutes les danses que tu veux dans les bras de ceux qui t'entraînent au loin. Va sourire des sourires merveilleux pour les danseurs qui te tiennent la main. Mais n'oublie pas que je serai là pour te conduire enfin chez toi. Garde bien la dernière danse pour moi. Va danser, tu peux t'amuser, j'attendrai le tour de notre retour. Si quelqu'un veut t'accompagner jusqu'à la maison, dis-lui bien que non, car n'oublie pas que je serai là pour te conduire enfin chez toi. Garde bien la dernière danse pour moi. Comprends-moi chérie, je t'aime trop, et je n'ai qu'un seul désir, c'est t'empêcher un jour de partir, notre amour est trop beau. Va danser, toutes les danses que tu veux, dans les bras de ceux qui t'entraînent au loin. Va sourire, des sourires merveilleux, pour les danseurs qui te tiennent la main. Mais n'oublie pas que je serai là pour te conduire enfin chez toi. Garde bien la dernière danse pour moi. Il y a quelquefois des refrains plus forts qu'un vin. Tourne la tête, chante et rit, mais je t'en supplie qu'aucun danseur ne prenne ton cœur, car n'oublie pas que c'est dans mes bras que ce soir tu t'endormiras. Garde bien la dernière danse pour moi. Garde bien la dernière danse pour moi. Garde bien la dernière danse pour moi.

fait battre le cœur. Elle roule quelques fois dans la foule. Je circule au volant d'un module. T'as plus d'essence dans mon moteur. Et je ris de me voir si seul dans mon miroir. Après Michel Polnareff, voilà une chanson de 1945 qui avait été composée par Joseph Cosma sur les paroles de Jacques Prévert. Et cette chanson avait été commandée par le cinéaste Marcel Carné pour un film musical, Les Portes de la Nuit. Marcel Carné souhaitait en confier les rôles principaux à Jean Gabin et Marlène Dietrich. Jean Gabin et Marlène Dietrich. Oui, vous avez compris. Lors de la présentation, Jean Gabin était tellement séduit par la chanson qu'il demanda à Joseph Cosma de la rejouer une dizaine de fois. Et c'est Jean Gabin qui devait chanter cette chanson d'amour. Et finalement, quelques jours après, les deux acteurs refusèrent la proposition de jouer, prétextant que le film n'était pas suffisamment patriotique. Bon, en fait, c'était surtout leur rupture amoureuse, Jean Gabin, Marlène Dietrich, qui justifie leur renoncement. Donc Marcel Carné a fait appel à deux jeunes acteurs débutants, Nathalie Nattier et Yves Montand. Yves Montand inscrivit la chanson à son tour de chant, mais le public a eu bien du mal à l'apprécier. Il récoltait beaucoup plus de sifflets que des applaudissements. Et la chanson a même été supprimée de la bande originale du film et remplacée par une version instrumentale. C'est croire, hein ? Et malgré les colibés, Yves Montand insista et enregistra sur disque la chanson qui, quelques mois plus tard, devint un grand succès populaire. Les feuilles mortes, Yves Montand. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais,

Et c'est ainsi que s'achève la cerise. Il n'y a pas la cerise. La cerise sur le canto numéro 16. Merci à Yves pour la réalisation technique et merci à vous de nous avoir écoutés. La prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours, mais nous serons quand même avec vous dimanche prochain pour Patchwork à l'écoute des musiques du monde. Rendez-vous également sur notre page Facebook. Vous y trouverez entre autres les podcasts des émissions précédentes et vous pourrez jouer au tiercé des chansons. Un cadeau, comme d'habitude, attend le premier gagnant de la quinzaine. En tout cas, soyez heureux en écoutant Radio Fadjet Nancy 94.2 ou sur le net fadjet.net en ligne. Allez, au revoir.